La maison d'édition éthiopienne Pangwon a publié en brochure l'œuvre classique du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un. La cause du parti des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il est invincible. La cérémonie de parution a eu lieu à la maison d'édition.